50 languages. 53. 53. 53. المتاجر. Les magasins. Les magasins. إننا نفتش عن متجر للألبسة الرياضية. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. إننا نفتش عن ملحمة. Nous cherchons une boucherie. Nous cherchons une boucherie. إننا نفتش عن صيدلية. Nous cherchons une pharmacie. Nous cherchons une pharmacie. نريد أن نشتري كرة قدم. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. نريد أن نشتري سلامي. C'est que nous voudrions acheter du salami. C'est que nous voudrions acheter du salami. نريد أن نشتري أدوية. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. نفتش عن محل رياضة لشراء كرة قدم. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. نفتش عن ملحمة لشراء سلامي. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. نفتش عن صيدلية لشراء أدوية. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. إني أفتش عن سائق. Je cherche un bijoutier. Je cherche un bijoutier. أفتش عن محل تصوير. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Je cherche un magasin d'articles photographiques. أفتش عن محل بيع حلويات. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. إني أنوي شراء خاتم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. إني أنوي شراء فيلم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. إني أنوي شراء كعكة. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. أفتش عن صائغ لشراء خاتم. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. إني أفتش عن محل تصوير لأشتري فيلما. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. أفتش عن محل حلويات لأشتري كعكة. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte.